Chapitre 11e, 6e nuit. Christophe et Martin marchent sur la promenade, le long de la mer. La nuit arrive, il ne reste qu'un petit morceau de soleil là-bas, très loin, tout pâle. Il touche presque la surface de l'eau. On dirait qu'il hésite à s'y tremper les pieds. Une partie de ses rayons se noie dans la mer. Beaucoup de gens se promènent, profitant des derniers rayons de soleil et des ultimes bleus de la mer avant le noir de la nuit, qui gommera tout, mariant le ciel et l'eau. C'est l'heure des confidences et des confessions, à voix basse, les yeux perdus au loin, l'heure des conversations avec l'onde qui répond dans le chuchotement des vagues. La mer. Il faut savoir parler son langage, le comprendre. On y parvient avec le temps et on partage alors ses désirs et ses folies. Un petit bateau traverse la rade, il glisse lentement sur l'eau, sans bruit. On le distingue à peine du rivage. Petite forme sombre sur les bleus foncés, presque noirs. Il se dirige vers le soleil couchant comme attiré vers cette douce lumière, et au fur et à mesure qu'il s'en approche, l'astre jaune baisse un peu plus la tête, comme pour le voir de plus près, ou lui donner ses derniers conseils. Et maintenant, on a l'impression qu'il va toucher au but. Pourtant le soleil a disparu, et le petit bateau se retrouve seul, perdu dans le noir. Ce spectacle provoqua une angoisse jusque dans les entrailles de Christophe. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une émotion si forte face à la beauté du soleil couchant. Il avait connu souvent ce poids dans le ventre quand il était adolescent, et il n'avait jamais su réagir. Il avait tout essayé, respirer longuement, fixer son attention sur un passant, parler, chantonner, faire des grimaces, sucer une vitamine C, boire. Marie était son soleil. Et il ne pouvait la rejoindre parce qu'elle s'éloignait plus vite qu'il ne s'approchait d'elle, parce que leurs orbites étaient différentes. Il était comme le petit bateau perdu dans le noir. Quelle journée ! Tu as eu quelques compensations, m'a-t-il semblé ? Tu parles de Marianne ? Encore mieux que la première fois. Un cocktail de quel genre ? Un demi de lave en fusion, un petit quart de tornade multicolore, un quart de cours de langue, un soupçon de TGV. Tes mélanges deviennent incompréhensibles, mon grand. Je me comprends. Il marchait lentement, profitant de la douceur du soir. Et Marceau ? Marie-Solange appréciait de participer à mon enquête. Elle ne connaissait pas le lys mauve. Et Marceau ? Nous avons assisté à un striptease. Ça l'a excité. Elle n'est peut-être pas celle que tu crois. Ne dis pas de bêtises. Moi aussi, j'ai flippé. La fille était sensuelle, une brune très bien faite, un cul de reine, le sens du rythme sur une chanson très érotique. Et des regards de feu. Elle est peut-être lesbienne, Marie Solange ? Je ne crois pas. Note que je n'aurais rien contre une fille bi. Il croisait des gens, personne n'était pressé. Et Marceau ? Ah oui, il est venu jouer au poker. C'est un habitué des lieux. Je m'en doutais. Il gagne ? Il perd. Alors il paye. Il demande un délai, mais il paye. Hier soir, il a donné un paquet de fric à un type qui ne plaisante pas avec les dettes de jeu. J'ai appelé Graziani et il a mis une équipe à cette trousse. Il va falloir qu'il explique d'où venait l'argent. Remarque, il peut toujours dire que Denise le lui a prêté ou qu'il a gagné aux courses. Ça m'étonnerait. Elle a sorti l'argent depuis un moment pour se faire la belle avec le beau docteur, pas pour aider un ex. Oui, ça se tient. Mais bon, nous sommes là pour Jean-Marc. C'est l'un des deux, j'en suis sûr. Christophe s'arrêta, regardant la mer. Ils reprirent leur marche. Bon boulot, Martin. Finalement, ma virée au lys mauve a été satisfaisante. Marie-Solange est contente. C'est un investissement pour d'autres nuits. Et toi, tu as fait quoi ? Tu as commencé à lire les journaux de la femme de ménage et du petit ? Même pas. Je les avais mis dans mon tiroir et ça m'est sorti de l'idée. C'est vrai que tu as d'autres pensées en tête. Je le ferai sans faute demain. Ils arrivèrent au bout de la promenade. Quand j'étais ado avec un de mes copains, nous étions de fiefs dragueurs. Cette promenade m'en rappelle une autre, dit Christophe, le regard tourné vers la mer. Et ça t'a passé ? Eh oui. Je passe un coup de filet, je te rejoins, ok ? Christophe regarde la mer. Le bateau a été englouti par la nuit ou par la peur, là-bas, au loin. Quelques jours auparavant, il avait enregistré un film érotique médiocre avec une scène de striptease qui l'avait captivé. La fille ressemblait à Marie et sa prestation était particulièrement sensuelle. Christophe avait envisagé de donner la cassette à Marie et lui demander d'en faire autant. Cette idée osée constituait un manquement à une de ses règles de vie et l'envisager l'avait beaucoup perturbé. Il se refusait d'imaginer à l'avance ce qui pouvait arriver d'heureux dans sa vie. Dès qu'une de ces scènes lui venait à l'esprit, il la chassait. Il ne savait pas d'où il tenait cet interdit, mais il était tenace et il s'y conformait sans faille. Il aimait par contre rêver à tous les malheurs qui pouvaient s'abattre sur lui. Il les détaillait souvent et restait persuadé que ce qu'il avait imaginé ne pouvait arriver dans la réalité. Il lui semblait que sa vie se passait ainsi et que par conséquent sa règle de conduite était la bonne. Alors, pourquoi avait-il vu Marie au travers de cette belle et sculpturale brune? Était-ce parce qu'il entrevoyait la fin de sa liaison? Cette pensée venait à lui de temps en temps comme pour mieux la repousser. Avant qu'ils aient eu leur première relation si extraordinairement réussie, Marie lui avait demandé sur quelle position il fantasmait avec elle, et il l'avait inventé en lui expliquant la position sur le fauteuil et ses fesses offertes. Marie avait satisfait son fantasme. Quelle sensualité! C'était un des passages de sa vie qu'il se repassait le plus souvent, presque tous les jours. Martin se trouvait à côté de lui, peut-être déjà depuis un moment, et il s'enfonçait dans la ville, s'éloignant de la mer. Il marchait lentement, comme s'il savait que leur poids ne pouvait plus leur échapper et qu'ils pourraient bientôt savourer la curée. Demain sera le sixième jour de l'enquête. Ils avaient encore toute la nuit pour progresser. Ils se dirigèrent lentement vers la rue Graham Green où Christophe avait pu garer la voiture. Un sacré romancier, ce Graham Green. Christophe avait lu la plupart de ses œuvres. Il adorait l'atmosphère créée, les personnages, les situations. Bref, il se sentait bien dans ses livres. Il faudra qu'il en relise un bientôt et surtout pas la fin d'une liaison, bien qu'il adorât ce roman. Il aimait lire, s'attachait facilement à certaines atmosphères de romanciers, se sentait bien dans leurs livres et les lisait tous à la suite. Ensuite, il lisait en série des romans policiers, des livres de philosophie, d'histoire, de peinture, de physique. De temps en temps, il se risquait à lire un nouvel auteur et s'il appréciait l'ouvrage, il en prenait un autre. Ce n'était pas évident d'en apprécier deux de suite. Tous ses livres lui tenaient compagnie le soir quand il avait un peu de temps, pas cette semaine-là, bien sûr. Il ne pouvait pas penser exclusivement à Marie quand il était seul. Il le faisait entre deux occupations comme une sorte de respiration. Y penser toute une soirée était devenu trop difficile. Il sentait le besoin de sortir s'aérer et flâner sans but. Il aimait s'échapper ainsi, même s'il le faisait beaucoup moins qu'avant, comme quand il était étudiant. Il marchait alors en pensant à une fille, imaginant des déclarations d'amour ou des situations romantiques. C'est en marchant qu'il avait conçu certains de ses poèmes préférés dans leurs grandes lignes, avant de les faire chanter sur sa feuille blanche. Il les avait montrés à une fille rencontrée lors d'un week-end de ski. Elle avait aimé sa sensibilité, et elle avait été attirée vers lui, mais sa timidité l'avait empêchée d'aller plus loin. Déçue, elle s'était éloignée sans lui dire adieu. Qu'était-elle devenue ? Qu'étaient devenues ces filles dont il avait été amoureux? Il revoyait leurs visages, leurs yeux, leurs expressions. Pourquoi y penser? Peut-être parce qu'il marche. Comme il marchait pour rejoindre le campement après une fête de village ou une virée avec des filles qui ne s'intéressaient pas à lui. En ce temps-là, le sexe le préoccupait si peu qu'il ignorait les filles. Il ne voyait que leurs yeux et leur grâce, même si par instant leur bouche, leurs lèvres et la douceur de leur visage l'attiraient violemment. Il n'était pas à la hauteur des attentes et il était frustré de garder au fond de son cœur tant d'amour inavoué. Confortablement installé dans la voiture, ils commencèrent la planque en écoutant la radio. « Tu as connu d'autres femmes avant Marie ?»« Quelques-unes. Pourquoi cette question maintenant ?»« Pour parler. »« C'est étrange. J'y pensais avant de monter dans la voiture. »« Tu étais aussi mordu ?»« Oui, autrement. »« Tu dois être assommant pour une femme. »« Ta première s'appelait comment ?»« Michel. » Elle avait quel âge? 14 ou 15 ans, moi dans les 16. Martin essayait une position plus confortable sur le siège. Précoce, dis donc. Non, c'était mon premier flirt, un peu sérieux. Elle était plus jeune que moi, et ça n'a pas duré. Elle ne te plaisait pas? Si, énormément, mais je n'osais pas. Martin fixait Christophe pour mieux profiter de ses confidences. Je l'ai regretté longtemps. Elle est devenue de plus en plus belle et moi de plus en plus maladroit. Et puis tu l'as oublié. Difficilement. Il m'arrive encore de penser à elle de temps en temps. Quand j'entends notre chanson « Sounds of Silence » de Simon & Garfunkel, tu connais? Bien sûr. Il y avait peu de passages dans la rue. Ils étaient tranquilles pour bavarder. Christophe était lancé, ça lui faisait du bien de se livrer ainsi, de revivre sa jeunesse. J'ai acheté tous leurs disques à l'époque. Je les écoute encore avec beaucoup de plaisir, mais aucune chanson ne me fait cet effet-là. Je me souviens que j'étais assis sur une moquette la première fois que je l'ai entendu, et j'étais heureux. Mais heureux, tu ne peux pas l'imaginer. Et ton premier coup avec une fille? Je ne m'en souviens pas bien. C'était une prostituée. Marie a effacé ce moment-là. Je n'arrive pas à me rappeler les rapports que j'ai eus avant elle. Je veux dire que ça n'en vaut pas la peine. Martin bascula légèrement son siège, toujours à la recherche de confort. Il remuait constamment ses jambes et se tortillait dans tous les sens. Calme, Christophe le regardait, étonné. Sors-moi donc une théorie du genre bande de bonheur ou un truc du même tabac. Zone de bonheur, tu t'en souviens? Mince, ça t'a intéressé? Oui, j'y ai repensé. Je vais te parler du sac de perles. Christophe observait les rares passants, comme pour vérifier qu'ils ne pouvaient l'entendre. De temps en temps, il jeta un œil sur l'entrée de l'immeuble qu'il surveillait. Les gens se pressaient pour rentrer chez eux. C'était un quartier plutôt résidentiel, sans trop de restaurants ou de bars. Voilà, il y a un grand sac de perles de différentes couleurs. Beaucoup de vertes, moins de rouges et de blanches, encore moins de grises et de noires. Nous mettons la main dans le sac et nous tirons au sort une perle. Un événement plus ou moins heureux, vert, rouge ou blanc. Un ennui, gris. Un problème important, noir. Bof, rien de très passionnant. Au début du tirage, non. Mais au bout d'un moment, il se passe des choses. Plus tu tires des événements heureux, plus tu accrois tes chances de sortir une perle noire. D'accord, c'est comme la vie, pas de quoi faire un fromage. C'est comme la théorie des zones de bonheur. Plus on est heureux, et plus la chute sera dure. Et certaines personnes tirent plusieurs perles noires de suite. Il y a toujours des malchanceux. Et au bout d'un moment, ils peuvent tirer n'importe quelle autre couleur, ils voient toujours du noir. Ceux-là ne savent plus distinguer les couleurs. Il y a des gens comme ça, c'est vrai. Tu les vois comment, les perles? Des fois, je les imagine petites et mates et lisses, d'autres fois transparentes et très légèrement colorées, ou plus grosses et rugueuses, ou molles et gélatineuses. Sacré Christophe, tu as l'habitude de piocher quelles couleurs, toi? Des bleus, des rouges et des grises, j'ai très peur d'être proche du noir, et cela me préoccupe beaucoup. Bien sûr, tout cela est lié à Marie. De quoi as-tu peur? De rencontrer quelqu'un d'autre ou qu'elle te laisse tomber? Je ne veux pas en parler. Je devrais le faire pour éloigner la menace, mais cela m'est trop pénible. Tant que tout se passe dans ma tête, ça va encore, mais en parler, c'est déjà le vivre en partie. Bon, bon. Alors revenons à nos suspects vus sous l'angle de cette théorie. Voyons, par exemple Quentin. Lui, j'ai l'impression que la couleur lui est indifférente. Il ne s'occupe que de la taille, non? Je n'y ai encore jamais réfléchi. Attends. Quentin recherche des perles transparentes et peu colorées. Il est persuadé que seules les petites répondent à cette définition. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que les plus grosses sont forcément plus colorées ou alors contiennent des impuretés, ça te va? Admettons pour l'instant, et Marchand? Marchand doit plonger la main et ressortir plusieurs perles à la fois sans trop trouver de différence aux perles. Je suppose qu'il n'avait jamais tiré de rouge et qu'il en a sorti une. Et alors ça a été la révélation, sa vie a basculé. C'était la passion. Oui, et peut-être le sang. Je l'imagine en train de voir cette perle rouge dans une poignée de perles grises. Une petite tache qui apparaît doucement et qui ensuite polarise son attention et toute son existence. Il n'a plus l'espoir d'en retirer une autre de cette couleur. Il a laissé passer sa chance. Martin avait oublié ses douleurs et ne gigotait plus. Et la belle Patricia, c'était quand même une perle rouge, non? Il faut croire que non. Peut-être une verte. Je crois que chacun définit ses propres couleurs, reconnues de lui seul. Les possibilités ne sont pas infinies et par effet de contagion ou d'éducation ou de mimétisme, la majorité choisit des références identiques. Repensant au début de leur soirée, Martin, imitant Christophe, lança. « Et Marceau ?» Christophe le regarda en souriant. « Je crois que ce qui importe pour Marceau n'est pas la couleur des perles, mais leur nombre. Plus il en a, et plus il vit intensément, et plus il se sent heureux. Il les collectionne. Non, il les consomme, il se goinfre, il s'empiffre. Toi, peut-être, tu les collectionnes. Lui, il a besoin de les posséder, puis, une fois qu'il les a eues, elles perdent tout intérêt. Il les vend, et lui en faut d'autres. Enfin, c'est comme ça que je le vois, je peux me tromper. Bon sang. Tu en déduis des choses avec ton petit sac de perles, Christophe. Tu ne l'aimes pas beaucoup, Marceau, dis donc. Oui, c'est vrai. Des fois, je me dis, plonger la main dans le sac est aussi important que la ressortir. Ce qui compte, c'est tenter sa chance, c'est rêver quelques secondes, c'est être rempli d'espoir. La découverte est aussi importante que la couleur de la perle à ce moment-là. Tout cela n'est qu'illusion, tu le sais. Tu vis dans ce monde, tu es immergé complètement. Tu es joueur, toi? Le poker ou les jeux de cartes, en général? Non, je ne suis pas très doué pour ça, mais je comprends que cela puisse passionner, car il y a de la technique et de la tactique, en plus de la chance. J'ai beaucoup joué lorsque j'étais plus jeune, pendant plusieurs années avec des amis, et puis nous nous sommes perdus de vue et je n'ai plus rejoué. Tu fais toujours les choses avec tes amis, jamais rien seul. Tu dis ça parce que je t'ai parlé de mon copain de drague et maintenant de mes amis de poker. C'est vrai que le fait d'être avec des gens que l'on aime est au moins aussi important que ce que l'on fait. Pour moi, c'est même déterminant. Je ne trouve de l'intérêt au poker ou aux autres jeux de cartes qu'avec des amis et des bons, sinon je m'ennuie assez vite. L'amour ne peut exister qu'avec Marie, avec les autres tu t'ennuies. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais je reconnais que tu dois être dans le vrai. Je suis possédé, n'est-ce pas? Il te faudrait un exorcisme ou un remède énergique. Le sirop Chantal me semble approprié à ton cas. Il faudra en prendre quand même assez longtemps avant de ressentir les premiers soulagements. Vous n'avez pas peur d'une accoutumance au médicament, docteur? Si c'est pour me retrouver possédé par une autre, quel intérêt? Ce sera différent, Christophe, parce que Chantal est libre. Tu pourras la voir quand tu veux et même vivre avec elle. Tes cellules grises vont pouvoir se reposer un peu. Les autres cellules vont prendre la relève et équilibrer ta vie. Christophe mit du temps à répondre. Je sens que tu as raison, mais je ne suis pas encore prêt. Et Pellerac, comment réagirait-il devant le sac de perles? Je l'imagine regardant le sac sans oser mettre sa main, observant constamment à droite et à gauche pour s'assurer qu'il est seul. Et puis je le vois chipper une perle et la ramener chez lui, bien serrée au creux de sa main. Je l'imagine ouvrant sa main, découvrant sa perle à lui. Qu'importe la couleur, la forme, la consistance, c'est la sienne. Elle est devenue la sienne. Il est persuadé qu'il l'a volée. Une perle pour lui tout seul, quelle folie! Lui, il n'a droit qu'à un petit bout, qu'à un reste. Comment peux-tu avoir autant d'imagination? Tu t'entraînes depuis que tu es tout petit? Je ne sais pas, ça me vient comme ça. C'est moi l'intellectuel de l'équipe, après tout. Tu devrais écrire des bouquins. J'ai commencé, et j'ai renoncé, parce que je voudrais écrire quelque chose de bien. Et quand je compare ce que j'écris avec certains écrivains, je me sens minable. Avec qui, par exemple? Céline. L'y voyage au bout de la nuit, tu verras. Je vais le faire, ne serait-ce que pour te persuader qu'il n'est pas si bien ce Céline et que tu peux en faire autant. La tâche va être rude, Martin, c'est un livre génial. Alors la perle que Pellerac a volée, c'est Denise? Oui, c'est elle, affirma Christophe comme une évidence. Le sac était vide. Toi, le spécialiste des anagrammes, tu n'as rien remarqué. À quel sujet? Martin se mit à rire. Qu'allons-nous faire maintenant? Écoutez la radio et priez pour qu'il arrive vite. Prier? Tu rigoles ou c'est nouveau? S'offusqua Martin. France Musique diffusait la première suite de Bach. Christophe la connaissait presque par cœur. Il adorait le violoncelle en général et les suites de Bach en particulier. Cette suite l'inspirait. Il revoyait Marie sous la douche, la première fois où ils avaient fait l'amour. Il l'avait regardée longuement, et c'était la seule fois de sa vie où il avait pu voir chacune des gouttes d'eau couler isolément, effleurer et caresser son corps. Il était persuadé que l'intensité de son bonheur avait démesurément accru sa vitesse de perception. L'expérience l'avait énormément marqué et avait achevé de le convaincre. Marie était bien la femme de sa vie. C'était le jour où Marie avait prononcé son prénom deux fois de suite, alors qu'elle venait d'atteindre l'orgasme. La douceur et la tendresse de son prénom chuchoté étaient un de ses plus beaux instants de bonheur. C'était arrivé plusieurs fois après, mais il n'avait pas ressenti la même ivresse. Peut-être parce qu'il s'y attendait, peut-être parce qu'il espérait quelque chose de nouveau, d'aussi extraordinaire que ce double chuchotement. Il n'arrivait plus aujourd'hui à réentendre cet instant si rare et il s'en désespérait. Le bonheur ne pouvait être une collection d'émotions passées. Il fallait le réinventer chaque jour. Le bonheur n'est pas un tableau même sublime. C'est un chemin que l'on découvre et que l'on arpente. Marie était son chemin, sauf qu'il marche avec un bandeau sur les yeux 6 jours sur 7. C'est pour cette raison que leur relation ne pouvait durer toujours. Il savait cela aussi sûrement qu'il mourrait un jour. La gigue se terminait sans que Christophe ait entendu la sarabande ni les menuets. S'était-il assoupi? C'est super cette musique. Comme ça la nuit. Pas seulement, Martin, pas seulement. Peut-être. En tout cas, il n'est pas adapté pour danser avec une belle femme et lui faire tourner la tête. Faire tourner la tête, pourquoi pas? Elle est propice aux émotions et elle met la tendresse à fleur de peau. Tu as déjà dragué sur du Bach? Non, mais j'imagine. Tu dragues sur quelle musique, toi? Ça dépend des circonstances. Avec une musique rapide, on peut montrer la sensualité. Avec une musique lente et douce, on peut la partager. J'ai un tas d'exemples en tête. C'est beau, une fille qui se déhanche en fermant les yeux, ou en te regardant dans les yeux. C'est doux et excitant de se serrer contre un corps qui répond. Martin tripotait la radio pour trouver une autre station. Oui, tu sais ce qui me vient à l'esprit là tout de suite? Demanda Christophe. Vas-y, je m'attends à tout. Une java, un twist, une valse. Une polka. Avec une gamine de 14 ans qui m'avait appris à la danser pendant une fête de village. Une polka. Tu avais quel âge? 16 ans. Ton premier flirt. Tu exagères. Deux fois que tu me parles de cette fille dans la soirée. Et Marie? Fous-toi de moi, fous-toi de moi, sale mec. Tu n'as dansé que des polkas avec elle? Non, des tangos, des slow aussi, sous des chapiteaux ou sur des pistes en plein air. Je crois que c'est un peu pour ça que ça m'a marqué autant. Je me souviens de la douceur qui tombait de son corps et qui me réchauffait. Avec son petit cœur qui battait vite et ses yeux baissés qui s'ouvraient de temps en temps comme des fusées de feu d'artifice dans le ciel assombri. Martin trouva une station qui lui convenait, Julien Clerc chantait. Il n'y arrive pas, Pellerac, que fait-il? Il est peut-être en vacances, c'est l'époque. Dans deux jours, BG sera loin. Pellerac. Quoi, Pellerac? C'est dingue, c'est vrai, que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est l'anagramme de mon nom. Ce n'est pas possible. Tu te rends compte? Il faut absolument que je voie sa tête et que je lui parle. Qu'est-ce qu'il fout? Christophe regarda son ami. Tu vois, j'ai tout de même trouvé. Oui, c'est normal, c'est toi le chef. Elle a bien bossé la petite stagiaire, non? Elle nous a trouvé le quatrième amant, le dernier suspect. Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour dénouer cette affaire. Enfin, s'il se pointe, c'est ahuri. Martin essaya de basculer le siège davantage. Décidément, cette position ne lui convenait pas. En attendant, je crois que j'ai aussi un jeu de cartes dans la voiture. On va se faire un gin rami. Tu connais, Martin? Évidemment. Tu me prends pour quoi? On joue quoi? Un dîner à quatre avec Marie Solange et Chantal. D'accord, distribue. Christophe joua sans se concentrer et il perdait. Payer le dîner en jeu ne le gênait pas. Il préférait laisser son esprit vagabonder à la recherche de Marie. Quand il était avec elle, il la regardait intensément. Il explorait longuement son visage, se fixant sur la courbe de ses joues, de son front ou de son nez, sur ses fossettes, ses sourcils, son menton, et il plongeait dans ses yeux bleus. Au début, après l'avoir quittée, il essayait de se remémorer son physique sans y parvenir. Il avait appris en vain certains trucs mnémotechniques pour apprendre son visage par cœur. Il avait renoncé, de plus en plus émerveillé par l'ombre sur son visage, la naissance d'un sourire, les lueurs dans ses yeux. Elle aimait qu'il la regarde, elle le lui avait dit. Il avait peur de la perdre et de tout perdre en même temps. Il aurait voulu prendre des milliers de photos, enregistrer sa voix des heures durant, emprisonner ses parfums, conserver par écrit la description détaillée de chaque instant de leur bonheur. « Tu joues comme un pied ce soir, Christophe. »« Oui, je n'ai pas été très bon jusqu'à présent. »« Tu crois que je peux encore me rattraper ?»« Non, tu n'as aucune chance. T'es bon pour faire chauffer ta carte bleue. »« Alors on arrête, si tu veux. »« Tu n'as pas faim, toi ?»« Moi, oui, j'ai la dalle. »« Je vais nous trouver un truc à nous mettre sous la dent. »« Il doit bien y avoir quelque chose dans ce quartier. » Martin sortit de la voiture et s'éloigna pour chercher de quoi manger. Christophe repensait aux photos qu'il aurait voulu posséder de Marie, de façon à les regarder à chaque instant de la journée. Il aurait également aimé feuilleter ses anciens albums, depuis sa naissance jusqu'à leur rencontre. Il n'avait pas réussi à les voir et il n'osait pas en faire la demande de peur d'un refus. Il avait dû être un beau bébé et une petite fille merveilleuse, faisant des ravages dès son plus jeune âge. Il aurait voulu être un de ses camarades de classe, son premier flirt, son premier chagrin d'amour, son premier amant, son meilleur ami d'enfance, mais aussi son instituteur et son professeur de gymnastique ou de français ou de géographie, sa nourrice, sa baby-sitter, son parrain. Il se disait que s'il l'avait connue quand elle avait 17 ou 18 ans, il l'aurait séduite et en aurait fait sa femme. Vivre en permanence avec Marie était son rêve. Il savait que cet espoir n'était pas partagé. Pourquoi n'arrivait-il pas à être raisonnable, à la quitter avant qu'elle ne le quitte? Martin avait mille fois raison et il était incapable de rompre. Pourrait-il vivre sans jamais la revoir? Sans caresser son visage des yeux, sans embrasser chaque millimètre carré de sa peau, sans s'enivrer des odeurs de son corps, sans ressentir les vibrations de sa passion et de ses extases. Se poser la question dictait la réponse. Il n'était pas mûr pour la quitter. Martin s'installa dans la voiture, bière et sandwich à la main, en jetant un regard noir sur le siège. « J'ai fait des kilomètres et je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est le désert ici. On s'emmerde. » On aurait dû emmener Marie Solange. « C'est l'heure tardive qui te fait fantasmer, Martin ?»« Peut-être. »« Pourquoi serais-tu le seul à te caresser le cerveau ?»« Comment verrais-tu la soirée ?» Christophe attaqua le hot-dog. « Au début, nous aurions parlé de l'enquête, histoire de lui en mettre plein la vue. Ensuite, nous aurions orienté la conversation vers des sujets plus légers. La température aurait commencé à monter. » « Et à ce moment-là, tu m'aurais chargé d'aller chercher de quoi manger ?» suggéra Christophe. « Par exemple ?»« Tu as déjà souvent fait l'amour dans une voiture, quelquefois. Et si j'étais revenu au milieu de vos ébats ?»« Je lui aurais demandé s'il aimait faire ça en trio. »« Ça ne te gênerait pas, Martin ?» Il renversa de la bière sur son pantalon, en l'ouvrant. « Merde ! J'aurais dû attendre un peu. Elle a été trop remuée. Fais attention en ouvrant la tienne. »« Alors ça ne te gênerait pas, vraiment ?»« Si. » « Faut d'abord dans le feu de l'action. Tu sais que certaines femmes fantasment d'être prises par plusieurs hommes à la fois. » Parfois, Marie tenait ce type de propos quand il faisait l'amour. Elle disait qu'elle aimerait être prise par plusieurs hommes à la fois, qu'elle sortait sans culotte quand elle pensait à lui, qu'elle adorait qu'il la caresse en public, au restaurant, dans la voiture, au commissariat, dans les grands magasins, dans une cabine téléphonique, un ascenseur, une télécabine, une salle d'attente. Dans ces moments-là, elle était au comble de l'excitation et elle se grisait de ses fantasmes. Il s'était demandé si elle n'allait pas lui proposer une partie à trois avec son mari. Cette idée l'avait glacé d'effroi. Pourrait-il supporter la présence d'un autre homme pendant leurs ébats? Cette fantaisie aurait eu l'avantage de légitimer sa présence. Il n'aurait plus été l'amant caché mais l'amant officiel, faisant en quelque sorte partie de la famille. Il aurait pu sortir librement avec elle. Ils auraient pu voyager, partir en vacances. Pourquoi pas aller jusqu'à vivre ensemble? Aurait-il supporté l'amour à trois? Non, sans aucun doute, non et non. Jusqu'à quelle heure allons-nous l'attendre? Demanda Martin dans un bâillement. J'ai demandé à Graziani d'envoyer la relève à 5 heures. Plus que 2 heures à poireauter. Je peux te brancher sur Marie? Je croyais qu'il fallait que je la sorte de mon esprit. C'est un moyen de le faire. Par exemple, dis-moi comment elle s'habille et les tenues que tu préfères. Je l'adore en col roulé gris. Ça fait ressortir ses yeux. Comment dire, c'est une tenue électrique. Je sens des démangeaisons au bout de mes doigts. Pas des envies sexuelles, mais parce que je suis sur sa merveilleuse longueur d'onde, dans son rayonnement amoureux, balayé par ses particules de bonheur. Ça fait un moment qu'elle ne l'a plus mis. J'espère qu'il lui va encore et qu'elle ne s'en est pas lassée. Elle aime avoir beaucoup de tenues différentes et change tous les jours de tenue, me dit-elle. Très chaste, ses tenues. Je l'adore aussi dans son ensemble écossais. Dans les verres, avec une veste et une jupe assez courte. Elle fait fissage à cajoler indéfiniment. Je la prends dans mes bras, il fait un tas de petits bisous en lui chuchotant mon amour à l'oreille. Un truc ancien aussi, elle restait svelte en devenant femme. Martin répondait pour l'encourager à poursuivre, il fallait tuer le temps. J'imagine. Je l'adore, avec son chemisier blanc et son gilet bleu ciel. Quand elle les porte, elle pourrait tout me demander. Elle est l'image de la douceur, de la droiture. J'ai envie de la protéger, d'être très fort, très puissant, très riche, de pouvoir éloigner les gêneurs, les ennuis, les virus, bref, tout ce qui pourrait s'attaquer à son bonheur, même moi. Je vais lui dire de s'habiller avec son gilet bleu, quand tu vas la voir. Traître, tu abuses de mes confidences. De toute façon, tu ne sais pas où la trouver. Je n'ai pas cherché, mais je peux le faire. Je te l'interdis bien, Martin. Je rigole, continue. Il termina sa bière et reprit. Je l'adore quand elle met son chemisier blanc bordé de cerises rouges et sa jupe rouge un peu courte. J'ai envie de me jeter sur elle, de lui déchirer ses vêtements et de lui faire sauvagement l'amour. Je suppose que le rouge me met dans cet état-là. J'aimerais bien voir ça. Je l'adore avec son pull beige et son jean velours à côtes fines dans les mêmes tons. Si elle était ma femme, j'aimerais qu'elle soit habillée comme ça quand je la présente aux gens que j'aime, à ma famille, à mes amis. Elle fait épouse fidèle, docile et dévouée. Continue sur ta lancée encore. Ou avec sa jupe noire fendue très haut, sur des barésies. Un jour, elle m'a reçu dans cette tenue et je n'avais pas résisté longtemps. Elle avait conservé sa jupe. Pas très pratique. Si, si, tu devrais essayer. On trouve vite un tas de solutions intéressantes. J'étais comme aspiré. J'en avais perdu la maîtrise. Mais pas elle, elle sait ce qu'elle veut. Et toi, parle-moi des tenues de tes conquêtes. En général, je ne me souviens plus comment elles étaient habillées. Par contre, je m'en souviens bien nues. Oui, bon, on va arrêter là cette conversation alors. Pourquoi ? Ça te gêne de parler de ça avec moi ? Oui, ne me demande pas pourquoi. Martin trouva une station d'information continue pour changer un peu. Ils écoutèrent toutes les mauvaises nouvelles du jour. Il n'y a guère que le temps qui faisait exception. Marie et lui parlaient peu de ce qui se passait dans le monde et ils le regrettaient. Il aurait aimé discuter de tout avec elle, mais il n'en avait pas le temps. Il la voyait trop peu d'heures chaque semaine. Il aurait préféré être son collègue de travail plutôt que son amant, ou un compagnon de voyage, ou un voisin, pour pouvoir davantage lui parler, la voir, l'observer. Il savait qu'il voulait trop de choses à la fois. Il ne savait pas se contenter de ce qu'il avait. Pourtant, c'était important ce qu'il avait. Un trésor, un sublime trésor. Alors, ton double ? Il est presque 5 heures déjà. Il ne va pas passer. On va faire chou blanc. Il se plante peut-être après son acte. Il a dû paniquer, soit parce qu'il est coupable, soit par peur de la police. Va savoir. On n'est pas prêt de le retrouver s'il ne se pointe pas. On ne sait rien de lui, ni comment il est, ni ce qu'il fait comme boulot, ni ses habitudes. Si c'est lui, on est mal, très mal. Si c'est mon double, ça ne peut pas être lui. Oui, c'est indiscutable. Quelle rigueur dans le raisonnement. Je ne peux que m'incliner. Sois positif, Martin, s'il te plaît, sinon nous sommes fichus. Oui, tu as raison, mais je suis crevé. Pas toi. Quelqu'un frappe à la vitre. On vous relève.